De retour à Futur Simple, toujours sur les ondes de CKRL 89.1, et je vous propose maintenant une incursion dans le monde du 9e art, celui de la bande dessinée. Car oui, des interfaces sont possibles entre la science et la bande dessinée. C'est le cas d'une exposition présentée en ce moment à Québec. Cette exposition s'intitule « Les chercheuses en BD » et elle est présentée actuellement à la bibliothèque Étienne Parent à Beauport jusqu'au début mai et elle sera ensuite présentée à l'ENA. Alors, c'est une exposition qui est l'initiative du Consulat général de France à Québec et de BD Québec. Et pour nous en parler, j'ai invité Estelle Blond, qui est chargée de mission scientifique au Consulat général de France à Québec. Et nous en parlerons également avec deux autrices, Marie-Avril et Val Bleu. Donc, pas de scientifique aujourd'hui à l'émission de science. En commençant donc avec Estelle Blond. Bonjour Estelle. Bonjour. Alors, Estelle, j'aimerais comprendre l'initiative de cette exposition. J'ai été surprise d'apprendre que c'était le Consulat général de France à Québec qui organisait ce genre d'événement. Donc, quelle est l'idée, la motivation, la mission de cette exposition? Et pour rebondir sur ce que vous disiez précédemment, ben, en fait, au Consulat général de France à Québec, on a des scientifiques puisqu'on a un service scientifique qui a pour objectif de notamment de promouvoir la collaboration scientifique entre la France et le Québec. Et cette initiative, cette exposition, elle est vraiment, elle a été mise en place par le service scientifique sur une inspiration qui est la science taille XXL, qui est une exposition du CNRS en France qui présente des portraits photographiques de femmes scientifiques. Donc, on s'est inspiré de ces portraits et l'objectif pour nous, c'était de mettre en lumière des femmes scientifiques du Québec, du réseau de l'Université du Québec. Et du coup, on s'est associé avec un autre service du Consulat général de France, le service culturel, qui lui promeut les collaborations culturelles entre la France et le Québec. Et voilà, on avait pour objectif de mettre en lumière des femmes scientifiques. Pourquoi? Parce que la science, la recherche, c'est quand même un milieu où les représentations sont dominées par les hommes. Et on voulait que les jeunes filles, les jeunes femmes, mais aussi les jeunes hommes aient des représentations féminines et puissent savoir que c'est possible de faire de la recherche quand on est une femme. Exactement. Donc là, vous avez été choisir une poignée de scientifiques parmi les universités québécoises. Comment vous avez établi votre choix? Parce qu'il y en a quand même un certain nombre, finalement. Donc, comment vous avez établi votre choix? Selon quelle université? Peut-être les disciplines? Est-ce que vous avez essayé de diversifier les disciplines scientifiques? Ben, tout à fait. Notre premier critère de choix, c'était on s'est restreint au réseau de l'UQ, donc le réseau de l'Université du Québec. Et notre idée, c'était d'avoir une ambassadrice représentant chacune des universités. On a lancé un appel à candidature. Donc, pour certaines universités, on a eu vraiment de nombreuses réponses. Et nous, on a sélectionné les ambassadrices au niveau du secteur scientifique du Consulat général de France à Québec. Un des critères primordiaux, c'était en lien avec nos missions et notre travail, que les ambassadrices aient des activités de recherche en collaboration avec la France, donc de la collaboration France-Québec. Et après, c'est sûr qu'on a voulu que toutes les disciplines soient représentées. Donc, on a essayé d'équilibrer entre les chercheuses pour avoir vraiment une diversité de représentation de profils. D'accord. Et ensuite, il fallait faire le mariage avec les autrices. Donc là aussi, en fait, vous avez fait attention de choisir des autrices et non pas des auteurs, donc des femmes. Comment vous êtes allé les chercher aussi, ces autrices? Ben, c'est ça l'idée, c'était aussi que les personnes qui contribuent à mettre en lumière ces femmes scientifiques soient aussi des femmes autrices du milieu de la BD. Donc là, nous, on a travaillé, on a fait un partenariat avec Québec BD. Donc on a laissé toute la partie création à Québec BD. C'est lui qui a sélectionné les autrices, donc les 11 autrices qui font partie du projet. Et nous, notre seul critère, c'est qu'il y a à la fois des autrices françaises et des autrices québécoises. D'accord. Et donc finalement, en quoi consiste l'exposition? C'est chaque autrice qui a été couplée à une scientifique et qu'est-ce qu'on voit dans l'exposition? Mais tout à fait. En fait, chaque autrice a été couplée à une scientifique. Elles pourront en parler plus longuement, mais elles ont eu le choix de déterminer quel scientifique elles voulaient représenter dans leur planche BD. Et nous, l'idée, c'était que soit retranscrit le parcours, l'objet de recherche de la scientifique, mais c'était au final assez libre parce que si vous allez voir l'exposition, vous verrez qu'il y a des planches de BD qui vont plus axer sur le parcours de la chercheuse parce que c'était important pour la chercheuse de mettre ça en valeur. Il y a d'autres planches de bande dessinée qui sont plus axées sur sur vraiment l'objet de recherche de la chercheuse. Donc, il y a vraiment une diversité dans les planches qui sont présentées. Et nous, c'était quelque chose qui était volontaire de notre part. On voulait vraiment que le duo scientifique, autrice de bande dessinée, soit libre et que le travail soit libre entre les deux. Oui, puis effectivement, on voit que c'est très varié, hein. Chaque autrice s'est un petit peu approprié son sujet et l'a traité avec sa propre personnalité créatrice. Donc, c'est assez varié. Les 11 ont produit des résultats très différents. C'est ce qui fait le charme, hein, d'ailleurs, de cette BD, je trouve. Oui. Et puis, donc, alors, cette exposition, elle est présentée à Québec. Mais vu qu'en fait, elle met en lumière des scientifiques du réseau des universités du Québec, elle n'est pas présentée que à Québec. Tout à fait. En fait, notre objectif, et c'est d'ailleurs pour ça que on est sous un format deux planches de bande dessinée par ambassadrice, par chercheuse. En fait, l'idée, c'était que ça puisse tenir sur des kakémonos, des roll-up, pour que l'exposition puisse circuler partout au Québec, donc c'est-à-dire dans toutes les universités qui ont participé, les universités du réseau de l'UQ, et aussi dans des espaces, dans des lieux culturels. C'est pour ça qu'elle est présentée dans le cadre du Festival Québec BD. Elle sera aussi présentée dans le cadre du Festival Montréal BD. Et pour l'instant, elle a circulé dans une grande partie des universités. Il reste que trois ou quatre universités à recevoir, qui doivent recevoir l'exposition. Oui, j'ai vu effectivement qu'elle avait été en Outaouais, elle est passée déjà un peu par Montréal, elle est passée à Trois-Rivières, là maintenant elle est à Québec, donc j'imagine qu'elle va aller à Rimouski, peut-être à Chicoutimi, partout. Chicoutimi. Et les universités du Québec, bon, à Chicoutimi, est-ce qu'elle va aller jusqu'en Abitibi-Témiscamingue? Oui, là, on est en train de discuter avec cette université et l'objectif, ça serait pour eux de la recevoir aussi un mois, un peu plus tard, dans l'année, mais ils vont la recevoir aussi. Ah, d'accord, donc c'est vraiment une belle initiative, je trouve. Donc en ce moment, elle est à la bibliothèque Parent, comme je l'ai dit, à la bibliothèque des Beauports. Ensuite, on va la retrouver donc à l'ENAP, c'est ça? C'est ça. La première quinzaine du mois de mai, elle sera à l'ENAP. Voilà, donc une très belle exposition à découvrir pour découvrir comment finalement il est possible de marier l'art et la science, la bande dessinée et la science, découvrir des chercheuses scientifiques, comment elles s'impliquent dans leur domaine scientifique, dans leur domaine de recherche, découvrir aussi comment ces autrices de BD se sont appropriées ce sujet scientifique pour le mettre en bulle, en image. Donc une belle exposition à découvrir et pour poursuivre cette exploration de cette exposition. Eh bien, je me tourne maintenant vers Marie-Avril. Marie-Avril, bonjour. Bonjour. Alors, j'aimerais d'abord que vous vous présentiez un petit peu en quelques mots. Évidemment, ici à Québec, on ne vous connaît pas vraiment. Oui, alors donc je m'appelle Marie-Avril et je viens de Lyon en France. Et moi, je fais de la bande dessinée et de l'illustration depuis environ 15 ans à peu près. Voilà, j'ai deux albums aux éditions Futuropolis et puis pas mal d'albums collectifs aussi en bande dessinée. D'accord. J'aime beaucoup travailler avec plein de projets différents, autant avec des groupes de musique, des jeux de société, du jeu vidéo, de la bande dessinée. Voilà, je suis ouverte à plein de projets variés. Et donc, est-ce que vous aviez déjà travaillé sur des sujets scientifiques? Alors, scientifique, non, pas spécialement, mais par contre, un petit peu documentaire et surtout beaucoup de portraits de femmes, en fait, dans mes bandes dessinées. Ouais. Ouais, depuis le premier album, Confidence à Allah, où je faisais le portrait une jeune fille qui va s'émanciper. Dernièrement, j'ai fait une BD qui s'appelle Divine et qui parle de la vie de Sarah Bernhardt, la comédienne. Et puis, entre-temps, beaucoup de collectifs où je fais des portraits de femmes qui ont marqué l'histoire, avec Nouche Éluard, avec La Mère Brasier, tout ça. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez été appelée à collaborer à ce projet, puisque là on vous demandait de faire un portrait de femme scientifique. Et d'ailleurs, donc avec quel scientifique avez-vous été couplée? Alors, j'ai travaillé avec Elora Sethun. D'accord. Voilà. Alors, si je me trompe pas dans l'intitulé, elle est étudiante en doctorat en génie minéral. Voilà. Donc, on a été mis en relation pour travailler ensemble. Et c'était une très belle collaboration, une très belle rencontre. C'est une femme qui a une très belle énergie, qui est très sérieuse, qui est vraiment passionnée par ce qu'elle fait, qui est très engagée aussi pour l'environnement, pour la vie étudiante. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle est très curieuse et créative aussi. Ah ouais, donc il y avait peut-être un point commun là dans la curiosité, dans la créativité. Exactement, c'est ce qui a alimenté du coup le travail que j'ai fait sur elle, parce que c'est vrai qu'on n'avait que deux planches. Ouais. Et c'est assez rapide, il faut trouver son angle en fait d'attaque. Donc je ne savais pas trop, puis à force de la faire parler, de dialoguer ensemble, de se faire des visios, voilà, moi ce qui m'a un peu frappée, c'est cet esprit justement très, très créatif. Et puis on avait une certaine culture en commun, une pop culture en commun. Et ça m'a étonnée. Et là, je me suis aperçue qu'en fait, moi aussi, j'avais une espèce de cliché de la scientifique qui est peut-être un peu sérieuse, un peu. Voilà, austère, mais pas du tout, elle est pétillante, et voilà, et on a les mêmes cultures. Donc j'ai trouvé ça amusant, j'ai voulu développer ça aussi dans mon portrait. Est-ce que vous aviez, parce qu'il y avait 11 scientifiques, donc est-ce que vous aviez choisi de travailler avec Elora ou est-ce que cela vous a été en guillemets imposé? Bon, ben voilà, vous travaillez avec Elora, comment ça s'est passé? Alors, j'ai d'abord reçu toute une liste de toutes les femmes qui avaient été déjà présélectionnées, il me semble. Voilà, et puis Thomas Louis, avec qui, donc, de Québec BD, avec qui je collabore quand je fais des projets avec Québec BD, m'avait proposé toute cette liste-là en me disant, est-ce que déjà il y a un domaine qui t'intéresse plus qu'un autre? Donc j'avais listé quelques domaines, dont le génie minéral, et j'imagine, selon les réponses des autres autrices aussi, il est revenu vers moi en me disant, bah, écoute, toi tu travailleras avec Elora Sautin, donc je vous laisse vous rencontrer, et puis voilà. D'accord. Donc là, comment que ça se passe? Vous prenez contact avec elle. Moi, j'imagine, elle, de son côté, elle est prévenue qu'elle va avoir affaire à une dessinatrice, à une illustratrice, bédéiste. Donc, comment que ça se passe? Est-ce que votre approche, c'est de faire son parcours, son portrait, donc sa biographie, ou c'est de décortiquer la science sur laquelle elle travaille, ou peut-être un mélange des deux? Eh bien là, carte blanche de la part de Thomas Louis, en tout cas, les seules petites contraintes, on va dire, c'est que c'était en deux planches. Mais sinon, voilà, il m'a bien expliqué le contexte, en fait. C'était vraiment né d'une collaboration, d'une visibilité, en tout cas, pour les universités, à la base, en tout cas, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant. Donc voilà, il y avait quand même cet aspect un peu didactique, tout ça. Donc j'avais un peu ce fond-là. Et ensuite, ben oui, soit je partais sur le côté biographie, un peu chronologique, soit je partais sur un point en particulier. Et avant de savoir tout ça, j'ai envoyé plein de questions complètement random à Elora. Donc j'ai envoyé tout un formulaire, autant des questions sur elle, son histoire, sa famille, sur ses études, sur ses choix, sur ses goûts, même musicaux, même enfin tout. Je voulais un peu tout savoir, tout survoler, pour voir si là-dedans il y avait quelque chose d'un peu croustillant, voilà, qui pourrait nous intéresser pour ce projet-là, quoi. Donc voilà, c'est à la fois, comme je vous disais, son esprit très créatif et très artistique aussi que j'ai voulu évoquer, mais aussi en partant sur faire un petit clin d'œil à son métier. Du coup, là, c'est pas, on n'allait pas à l'intérieur d'une grotte, mais on allait à l'intérieur de la tête d'Elora et pour voir un petit peu ce qui s'y trouve. Ah, c'est ça, ça. Donc, c'est ça que vous avez voulu mettre en planche, là, en bulle. Donc, qu'est-ce qui se trouve dans la tête d'Elora? Faire un peu vivre, Exactement. ressortir son mental. Ouais, sur la première planche, on nous voit descendre en rappel dans sa tête, puis on entre dedans, et puis ensuite, bah, là, on découvre un peu tout Ah, ouais. l'univers d'Elora, qui n'est pas que constitué de chiffres et de. Voilà, exactement. Donc moi, j'ai vu l'exposition, puis vous avez chacune, là, les 11 bédéistes, un style assez différent. Donc je me rappelle plus de mémoire, mais c'est assez différent. C'est ça qui est intéressant dans cette exposition, c'est que vraiment, les 11, vous avez eu une approche différente. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir le résultat des autres? Alors, je l'ai vu en photo, voilà, des photos de certaines expositions, mais j'ai pas, malheureusement, moi, j'ai pas pu voir, voilà, comme vous avez pu découvrir l'exposition, moi, j'ai pas pu la voir. Mais effectivement, il y a, voilà, tout est très beau avec des narrations différentes aussi. Et ça, c'est vraiment la complexité, mais la magie aussi de la bande dessinée, c'est que c'est Exactement. un Puis en fait, il y a art plusieurs styles. narratif. Exactement. Puis chacune, vous avez des styles différents en couleur, en pas couleur, en noir et blanc, en noir et en blanc et rose. Chacune Ouais. différent. Donc, quel est votre style à vous? Est-ce qu'il y a une façon de le décrire un peu? Off, alors en édition en bande dessinée, on va nommer le style par rapport au réalisme. Alors moi, je dirais que c'est semi-réaliste. Et puis d'ailleurs, sur la première planche, j'ai mélangé en fait un portrait très très réaliste, celui où on entre dedans, avec nous deux, Elora et moi, que j'ai mis en scène avec des petits personnages un petit peu plus cartoon entre guillemets, voilà, un petit peu plus simple, un peu plus stylisé, donc un mélange de stylisé et de semi-réaliste, et surtout un univers en couleurs qui m'importe vraiment. Dans une des questions du formulaire que j'avais envoyé à Elora, j'avais dû lui demander si elle avait des couleurs qu'elle aimait bien aussi. J'anticipais un peu sans trop savoir à l'époque ce que j'allais raconter, mais elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup le orange, donc je suis partie du orange et j'ai même essayé de créer une palette de créer une palette de couleurs qui pourrait bien s'associer avec le orange. Et j'ai une approche de la couleur qui est... Je suis passionnée par ça. Ouais. Je voulais créer un univers assez fort avec ces couleurs-là aussi et puis qu'elles s'y retrouvent. Donc voilà, je travaille comme Vous ça. avez eu l'occasion de voir de présenter ça à Elora, de voir sa réaction? Ouais, alors déjà, pour la première étape du storyboard, je l'ai envoyé à Thomas Louis déjà pour voir si on était à peu près calé, si ça allait bien rendre selon lui en exposition, en grand format, tout ça, pour l'aspect plus technique. Et puis pour le fond, bien sûr, à Elora, pour je la fais parler dans ma BD, donc voilà, il faut quand même qu'elle acquiesce. Et puis pour les termes scientifiques aussi, pour voir si j'étais pas trop à côté de la plaque, si j'avais bien pris mes notes pendant notre discussion. Donc voilà l'étape du storyboard. Et ensuite, une fois que l'étape du storyboard est validée et que c'est calé, je pars sur le dessin définitif, la mise en couleur. Et ensuite, donc j'ai montré les planches finales. Et évidemment, elle était très contente. Voilà, et très, très fière, j'imagine, aussi d'avoir son portrait en bande dessinée. Très certainement. Bah, merci beaucoup pour cette contribution à cette exposition qui permet quand même aux gens de Québec de rentrer dans l'univers et des créatrices et des femmes scientifiques. Merci beaucoup, Marie. Merci à vous. Nous étions donc avec Marie Avril et maintenant je me tourne vers Val Bleu. Donc, bonjour, Val Bleu. Bonjour. Alors, peut-être pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas très bien, est-ce que vous pouvez vous présenter en deux mots en tant qu'autrice de BD? Ouais, ben c'est ça, je suis BDiste. J'ai récemment publié une BD qui s'appelle Coindure, qui parle de l'Inde, plus précisément du Rajasthan rural. J'ai voyagé beaucoup là-bas et ça a vraiment beaucoup influencé mes BD par la suite. Sinon, j'ai aussi fait un livre jeunesse récemment qui s'appelle Mina la Brave. Ah, très bien. Est-ce que vous aviez déjà eu l'occasion de travailler avec des matières, des sujets scientifiques? Non, pas du tout. C'était la première fois pour moi. Par contre, je dois dire que j'ai quand même déjà eu une approche assez académique avec la BD. Parce que en faisant bon Coindure, qui est un récit de voyage, j'ai vraiment essayé d'explorer des pans de l'histoire du Rajasthan, étudier les sciences de la religion, les coutumes du pays. Fait que j'ai jamais fait rien de scientifique, mais j'ai déjà fait des projets de recherche en BD Voilà. dans le Il fond. y a quand même une documentation à intégrer, des connaissances à intégrer et à transmettre dans les bulles ou dans les images, dans les dessins. Ouais, c'est ça. Comme j'ai passé vraiment beaucoup de temps en Inde, ben c'était beaucoup de vulgarisation pour moi parce que sinon je serais partie bien plus loin, mais j'aurais probablement perdu 90% de mes lecteurs. Et voilà, exactement. Il y avait un effort de vulgarisation à faire. Alors là, dans ce projet-là, dans cette exposition-là, vous avez été couplé avec une chercheure. Quelle est-elle? Avec qui avez-vous été couplé? Avec Elodie Pedron, c'est une océanographe qui spécialise en microalgues. D'accord. Alors, est-ce que c'est vous qui avez choisi de travailler avec elle? Comment s'est fait le rapprochement? Ben, dans le fond, on m'avait donné une liste de disciplines. Puis moi, quand j'ai vu océanographe, je me suis tout de suite j'ai dit, c'est ça que je veux. Puis je suis contente que ça a marché. Ouais. Donc comment ça s'est passé? Vous avez échangé, vous êtes rencontrés, comment que ça s'est passé pour recueillir l'information de Elodie et puis en faire une histoire? Comment ça s'est passé? Ben, dans le fond, on s'est rencontrés sur Zoom. On a discuté quand même assez longtemps. Puis on a essayé d'aborder vraiment le plus de sujets autour d'elle. Fait que vraiment, son parcours scolaire, elle m'a expliqué beaucoup de choses sur les microalgues pour être sûre que je comprenne bien. Son parcours aussi dans le milieu scientifique en tant que femme. Après ça, ben, pendant ce temps-là, évidemment, j'ai pris beaucoup de notes. Et on a continué les questions-réponses après par email où elle m'a envoyé des photos pour que je puisse mieux dessiner, fait que des photos d'elle, des photos de son laboratoire, des photos de microalgues. Avec tout ça, j'ai fait un premier découpage, un brouillon. Puis encore là, ben, je lui ai envoyé parce que je voulais, comme je suis vraiment pas spécialisée en microalgues, je voulais être sûre de pas dire rien de faux. Puis quand on m'a dit, OK, c'est bon. Ben là, j'ai pu commencer à m'amuser plus au niveau artistique. C'est-à-dire que ben, ma BD, sur le côté, il y a des plantes, puis il y a des algues. Fait que ça, c'était vraiment des choix plus artistiques que scientifiques qui étaient le fun à faire. Puis j'ai vraiment trippé aussi à dessiner les microalgues. Elle m'a envoyé des photos, puis c'est super beau, on dirait des bijoux, là. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc, qu'est-ce que vous avez voulu faire ressortir dans ces deux pages-là de BD? Est-ce que c'était son portrait, son histoire à elle, les caractéristiques de la personne, ou c'était la science, les microalgues, ou peut-être un mélange des deux? C'était un mélange des deux. Dans le fond, les directives du projet étaient quand même assez ouvertes. L'idée, c'était d'avoir un portrait de cette personne-là. Puis après ça, c'était à chaque artiste de voir si, justement, on voulait aller du côté plus scientifique, du côté plus féministe, du côté parcours. Mais j'ai essayé d'englober un peu tout. Finalement, j'ai peut-être moins parler du fait qu'elle était une femme dans un milieu masculin parce que pour elle, ça n'avait pas été problématique ou elle savait qu'il y avait des problématiques dans ce milieu-là, mais pour elle, ça l'avait pas tant affectée. Donc c'est ça. Qu'est-ce que vous en retirez de cette expérience-là? C'est quand même pas tout le temps qu'on demande à des BDistes de faire des portraits de chercheuses en sciences. Donc, qu'est-ce que vous en tirez? Ben, moi, je trouve ça vraiment le fun que ce projet-là existe. Je trouve que la BD, c'est un outil extraordinaire pour faire de la vulgarisation, que ce soit justement au niveau sciences humaines ou sciences nature. Puis j'adore l'idée de la représentation. Si je peux raconter une courte histoire. Moi, quand j'étais petite, je trippais vraiment sur les animaux. Puis un de mes grands rêves, c'était d'aller en Afrique étudier les singes. La raison pour laquelle je voulais aller en Afrique étudier les singes, c'était à cause de Jane Goodall, qui était la scientifique, la biologiste connue qui faisait ça. Mais quand j'y repense avec du recul, je réalise que tous mes singes préférés vivaient soit en Amérique du Sud ou en Asie. Je trippais pas particulièrement sur les singes d'Afrique, mais c'était la seule personne que je connaissais qui faisait ça, fait que j'avais l'impression que c'était possible seulement en Afrique de faire ce métier-là, d'étudier les singes. Puis je trouve que ça montre à quel point c'est important la représentation. Je me suis même pas posé la question, est-ce que je pourrais aller en Asie ou est-ce que je pourrais aller en Amérique latine? C'était, il faut que ce soit en Afrique parce qu'il y a une personne qui fait ça, puis c'est en Afrique. Fait que c'est hyper important d'avoir une représentation. Puis pour les femmes, ça passe par voir d'autres femmes faire des métiers scientifiques, faire finalement être présente dans toutes les sphères de métier. Exactement. Donc là, peut-être que c'est la porte ouverte pour d'autres collaborations, pour d'autres projets mélangeant la science et la BD, peut-être. Oui, ben moi j'aimerais vraiment ça continuer, c'était vraiment le fun. Ouais, c'est ce qu'on vous souhaite. Alors, merci beaucoup pour cette présentation Merci. de votre exposition. Donc, je rappelle que nous étions en entrevue avec Val Bleu. Et ben voilà, tout ça, c'est une belle façon très agréable de faire connaissance avec des chercheuses du Québec et aussi avec des autrices françaises et québécoises. Alors, un petit rappel, donc, l'exposition se tient à la bibliothèque Étienne Parent à Beauport jusqu'au 1er mai et ensuite elle va s'en aller en centre-ville à l'ENA jusqu'au 15 mai. Donc, une exposition à ne pas manquer. Voilà, c'est la fin de Futur Simple, mais votre émission de science vous revient la semaine prochaine. On parlera notamment des allergies printanières. Et pour le moment, restez donc sur CKRL 89.1 pour écouter En aparté avec Calypso le Moine.